je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ludologie, Ludologie saison 5. On se retrouve encore une fois pour vous parler bien évidemment de jeux de société, de jeux de rôle, de jeux vidéo, de jeux en fait comme objet culturel, comme objet social. On va aller chercher encore dans de nouveaux coins à gratter pour en tirer de nouvelles idées. Aujourd'hui, je co-anime, donc moi c'est Manuel, je co-anime avec Célène que vous connaissez déjà bien évidemment. Bonjour tout le monde. Et nous avons un invité de qualité, un invité qui est un régulier du micro. Alors pas chez nous, mais notre invité a l'habitude d'animer un podcast qui s'appelle Les Voix d'Altaride, dans lequel il a l'habitude d'ouvrir en disant... Voilà, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Julien Poir, l'animateur des Voix d'Altaride. Bien évidemment, vous l'aurez deviné, vu son accroche, il parle quand même surtout de jeux de rôle, mais on va essayer d'aller élargir un peu le champ. Julien, en plus de son activité de podcasteur, est aussi créateur de jeux. Il a travaillé sur et publié un jeu qui s'appelle De Mauvais Rêves, ainsi que une extension, un hack qui s'appelle Tour de Garde. Il y a d'autres hacks en projet. Si je ne dis pas de bêtises, il a aussi travaillé sur des projets d'escape game pédagogique avec ses élèves, puisque dans le civil, il est enseignant. Oui, madame, oui, monsieur. Et puis, en plus de ça, il participe activement au projet Trop Long Palu, dont je fais moi-même partie, autour des jeux en format court, et c'est déjà pas mal. On ajoutera tout de même que dans sa prime jeunesse, Julien Poir a été maître de jeu pour, et je pense qu'on en reparlera, a été maître de jeu dans le cadre du jeu de rôle Grandeur Nature Vampire. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'une problématique qui est très très présente ou en tout cas souvent verbalisée dans le cadre du jeu Grandeur Nature. C'est un phénomène qu'on appelle le bleed. Alors Julien, bonsoir déjà, ou bonjour. Est-ce que tu veux nous donner une simple et brève description de ce qu'on entend par le terme « bleed » ? Alors, une simple et brève définition. La première simple et brève définition qu'on peut donner à ce sujet-là concerne le bleed émotionnel, à savoir tout simplement, tout basiquement, le transfert d'émotions du personnage qu'on joue vers le joueur ou la joueuse, ou de la joueuse vers le personnage. Voilà, ça c'est la définition de base, simple, et on se rend compte avec le temps que cette définition va se complexifier et va s'étendre au-delà des émotions uniquement, pour rejoindre d'autres terrains, notamment, il se peut que lors de ce podcast, vous assistiez en direct à un bleed d'état physique, à savoir la fatigue du joueur qui va contaminer le personnage et la façon dont on va exprimer les choses dans le jeu. Si on était dans un jeu, évidemment. Tu es en train de nous dire que tu es un peu fatigué, c'est ça ? Ouais, en gros, c'est ça, voilà. Ok. Est-ce que, Julien, tu peux nous donner un exemple concret ? Parce que là, on a une définition qui est un petit peu théorique. Mais est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce que tu viens de décrire théoriquement, justement, du bleed ? Alors, un exemple concret, bon, il y en a plein. Un exemple traditionnel qu'on va donner, qui est donné par... notamment Sarah Lynn Bowman, qui a fait des communications sur le sujet, des articles sur le sujet dans le cadre du GN nordique. On va rencontrer par exemple un joueur, qui, lors d'un Grandeur Nature, va perdre son personnage. Et ce joueur va avouer plus tard, en entretien, en discussion, etc., que cette perte du personnage l'a profondément affecté pendant plusieurs mois. Donc l'émotion de la perte du personnage affecte le joueur dans sa vie de tous les jours. Une émotion qui vient du jeu, qui est liée à un événement de jeu, va contaminer son état émotionnel, psychique, pendant longtemps. Ça, c'est considéré souvent comme un état de bleed à éviter. Un bleed qu'on ne rechercherait pas, mais il y a aussi des bleeds qu'on va rechercher. Par exemple, dans un cadre d'un jeu qui serait feel good, aller chercher une émotion positive dans le jeu qui continuerait à t'affecter. Et évidemment, ça peut aussi aller à l'inverse. Un autre exemple, dans une campagne de jeu de rôle sur table d'un jeu qui s'appelle Burning Wheel, j'ai joué un personnage qui était censé ressentir beaucoup de colère, beaucoup de haine au cours des parties. Et j'avais l'habitude, quand je jouais ce personnage, de me mettre dans un état avant la partie qui favorisait l'apparition de ces émotions-là. Donc pour les ressentir, que moi, joueur, je les ressente, en, bon, des techniques de... souvent on appelle ça le steering, c'est-à-dire jouer dans une direction particulière, si je vais très très vite sur la définition, en tout cas de ce que j'ai compris, parce que évidemment on peut toujours se tromper. Et l'idée c'est de, donc de faire naître ces émotions-là chez le joueur, notamment pour moi c'était grâce à de la musique, pour pouvoir ensuite les faire réapparaître dans la partie et que le personnage, les actions du personnage finalement soient influencées par mon état de joueur émotionnel. D'accord, donc si tu as envie de jouer un personnage énervé, du coup tu écoutes 2 heures de discours de Brice Hortefeux et après c'est bon, t'es prêt quoi. C'est un peu plus compliqué que ça je pense, mais on pourrait effectivement faire ce genre de choses. Est-ce que ces mises en condition peuvent pas rejoindre un petit peu les théâtres d'impro, les outils qu'on peut avoir littéraires aussi, de construction mentale? La mise en condition n'est pas le bleed. Hein. La mise en condition va permettre de faire apparaître ce phénomène-là. Autre exemple de bleed, qu'on a vu beaucoup justement en GN Vampire et qui nous a posé beaucoup de problèmes. C'est malheureusement souvent les exemples négatifs qui restent en tête. Hein. Donc gardons bien en tête que le bleed n'est pas forcément négatif, mais d'instinct, ce sont ces exemples-là qui reviennent. Je me suis gravement engueulé avec machin ou machine. Et on commence la partie, nos persos sont censés être alliés. Je vais avoir tendance à me mettre dans des dynamiques d'opposition face à la joueuse dont je parlais, alors que mon personnage n'a pas de raison d'être en opposition. Ça, c'est ce qu'on appellerait du bleed in, donc du joueur vers le personnage. C'est ce que j'allais dire, parce que là j'ai l'impression que tu décris deux phénomènes qui sont quand même assez distincts entre ce qui se passe avant la partie et ce qui se passe après la partie, même si dans les deux cas on est dans des problématiques de porosité. En fait on distingue en général le bleed in, donc du joueur vers le personnage, que ce soit avant, pendant, après la partie, peu importe, et le bleed out qui est le bleed depuis le personnage vers le joueur. Une situation de bleed out qui serait cet exemple-là, on va jouer un couple, et pendant qu'on joue le couple, on a une proximité grâce au jeu qui apparaît, les sentiments qu'on a joués vont nous contaminer après la partie. Est-ce qu'il existe un bleed pendant ? Je m'explique, et je pense en particulier à un jeu de rôle qui s'appelle StarCrossed, qui... censément des informations que j'en ai travaillé cette question de bleed. StarCrossed a une mécanique de jeu, mais c'est vrai pour d'autres jeux. StarCrossed a une mécanique de jeu qui induit un stress chez les joueurs, un stress mécanique. Il y a une tour de Jenga, il ne faut pas la faire tomber, en gros, en tirant des briques. Et ce stress doit être est corrélé dans la partie au fait qu'il y a deux personnages qui ont une tension de désir l'un vers l'autre et que du coup cette tension induit un stress, et en gros on essaie de produire un stress physique chez le joueur, chez la joueuse, qui doit se prolonger dans la fiction produite par le récit. Est-ce que on a aussi ce bleed through, si on garde des termes anglais, qui peut, enfin, alors, du coup, je fais la réponse à la question, enfin, la question et la réponse en même temps, mais c'est, ça peut aussi exister. Est-ce que ça existe aussi dans d'autres cas, typiquement GN, c'est des choses que tu as pu voir? J'ai l'impression que tu penses les deux formes de bleed comme étant un bleed d'avant partie et un bleed d'après partie. C'est pas ce que je dis. C'est pas comme ça que je l'ai compris, en tout cas. Pour moi, c'est un bleed qui va être... Reprenons. On a le joueur, on a le personnage. On va pouvoir entrer dans ce qu'on appelle le cercle magique lorsqu'on est en train de jouer. Les émotions qui viennent de l'extérieur du cercle et qui contaminent l'intérieur du cercle, c'est ce qu'on appelle le bleed-in. les émotions qui viennent de l'intérieur du cercle et qui contaminent l'extérieur du cercle, donc le hors-jeu, si tu veux, ça, c'est ce qu'on appellerait le bleed out. Quand on jouait au GN Vampire autrefois, même si parfois j'ai parfois du mal à le qualifier de GN vu la façon dont on travaillait, enfin bon bref, peu importe, on faisait ce qu'on faisait. Dans ces parties-là, on parlait souvent de enjeu hors-jeu et de confusion du enjeu et du hors-jeu. Donc ça ne concernait pas spécifiquement les émotions, ça concernait aussi d'autres problèmes, notamment des problèmes de gestion des informations méta, quoi. Mais ça en faisait partie. Notamment, on avait beaucoup de mal à gérer le fait que certains joueurs, certaines joueuses étaient extrêmement liés à leur personnage et que les trahisons, par exemple, dans un cadre de vampire, c'est très clair, les trahisons qui avaient lieu vis-à-vis de leur personnage, ces gens en voulaient aux joueurs derrière. Ça, c'est un phénomène de bleed aussi, du sentiment de trahison. Voilà. Le bleed, le terme vient... je crois qu'il a été établi en premier lieu par une autrice de jeux de rôle qui s'appelle Emily Kerbos, qui a défini ça comme, en s'inspirant en fait des problématiques d'impression, lorsque sur une page, l'encre va dépasser la zone dans laquelle il est censé être présent. D'accord ? Je l'ai vu dans certains articles associés au sang. À la base, non, c'est plus... Enfin, de ce que j'ai compris, c'était plus une question d'encre. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement lié à de la souffrance, parce que quand on le lie au sang, on va le lier à la souffrance, on va le lier au côté négatif, ce n'est pas nécessairement ça. Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécifique par rapport à ton expérience vampire ? Parce que ce que tu viens de dire par rapport au sang, c'est le truc qui m'a sauté à la tronche quand on a présenté l'émission au tout début. Est-ce que tu penses que par rapport à vampire, il y avait un enjeu particulier de bleed, ou alors est-ce que... Finalement, ces enjeux de bleed out par rapport aux trahisons, ces enjeux d'informations méta ou hors-jeu qui fuitent dans le jeu, etc. Ça, on peut le retrouver dans énormément de jeux de ce type-là, finalement. Alors, je pense qu'on peut le retrouver dans énormément de jeux de ce type-là, mais tu as... comment ? Alors, c'est... Je citais Sarah Lynn Bowman tout à l'heure, dans un article qu'elle a écrit en 2015 sur le bleed, on a un schéma qui est assez génial, qui nous parle de ce cercle magique, qui nous parle de ce phénomène de bleed, qui nous parle du phénomène d'immersion et qui nous parle du phénomène d'alibi. Tous ces éléments-là sont liés. En ce qui concerne Vampire, on est dans une situation où ce bleed était quelque part favorisé, à mon avis en tout cas. Et non seulement il était favorisé, mais en plus, à l'époque, nous, dans mon assos, on ne savait pas le gérer. On le trouvait même suspect, voire dangereux. Parce que si les émotions du joueur contaminaient le personnage, on considérait que le joueur ne savait pas jouer son personnage. On était, on était très cons en fait. Si les émotions du joueur contaminent le personnage, c'est qu'il ne sait pas jouer, c'est qu'il ne sait pas faire la différence. C'est qu'il n'est pas fair play, en gros. Et dans un domaine où on a des intrigues et du jeu de joueur contre joueur, de personnage contre personnage, ça pose évidemment problème. Et évidemment, le moment où le joueur est contaminé par ce qui arrive à son personnage, c'est pareil. Il y a un problème si quelque part, quoi. En gros, c'est comme ça qu'on considérait les choses. Et encore une fois, je le répète, c'est pour moi aujourd'hui une énorme erreur de l'avoir considéré comme ça. Si on reparle de StarCrossed et de Alex Roberts, donc, qui a écrit ce jeu. Il y a une série de podcasts qui vient du GN d'ailleurs, pour le coup, Alex Roberts. Elle a beaucoup navigué dans le milieu du jeu de rôle Grandeur Nature aux US. Oui, en fait, si je me trompe pas, alors c'est quelqu'un que j'avais découvert sur un podcast qui s'appelle Tabletop Superhighway, dans lequel elle était joueuse plutôt classique, et elle a découvert le freeform, elle a découvert le GN, et là, effectivement, elle est partie dans ce domaine-là. C'était très très intéressant à entendre d'ailleurs comme évolution. Et donc, Alex Roberts a enregistré une série de podcasts avec le Misdirected Mark podcast, donc ça c'est en anglais évidemment. Hein. Et je crois que je ne sais plus s'il y en avait un ou deux, mais le titre c'était quelque chose comme Design for Bleed. Donc voilà, comment on va créer des jeux pour favoriser ce phénomène-là. Donc je le recite maintenant parce que ça me donne vraiment un sentiment de bascule extrêmement important entre ce qu'on faisait il y a quasiment 20 ans en ce qui me concerne, considérer le bleed comme un phénomène parasite dangereux sans avoir de nom à lui donner, et aujourd'hui la formalisation de la notion, la prise de conscience du risque que ça peut représenter et l'exploitation éventuelle des avantages qu'il apporte. C'est quand même un peu contre-intuitif, enfin contre-intuitif, je ne sais pas si on peut dire contre-intuitif, mais en tout cas ça va un peu à l'encontre des définitions académiques du jeu. Je pense effectivement à la définition de Utsinga avec le cercle magique ou au travail qu'a fait Kaiwa. Si vous, auditeurs, vous ne savez pas de quoi nous parlons à l'heure actuelle, je vous invite à réécouter les premiers épisodes de Ludologie où on évoque ces questions-là. Et dans la définition notamment de Kaiwa, dans le jeu, il y a le côté sans incidence sur le monde réel. Or là, on parle bien d'une incidence du jeu sur l'état émotionnel des joueurs et des joueuses dans le monde réel, même en restant juste sur le bleed out, donc en sortie de partie, où du coup le jeu n'est pas sans incidence, à minima humainement. Alors je répète, c'est pas en sortie de partie le bleed out, c'est ça vient de l'univers fictionnel vers le joueur. Ce qui peut expliquer certaines problématiques de joueuses ou de joueurs qui vont un peu craquer, par exemple, qui vont pas supporter un afflux d'émotions qu'elles ne savent pas gérer. Et donc l'intérêt d'avoir des mécaniques de sécurité émotionnelle pour gérer tout ça, par exemple. Mais du coup, je suis très très curieuse parce que toutes les situations que tu décris dans ton GN Vampire, je les ai vécues dans d'autres cercles de jeu et c'était avec exactement les mêmes structures et la même façon d'en parler. Donc je suis extrêmement curieuse de la façon dont on peut se servir du bleed. Et j'y vois deux sous-questions, en fait. La première, c'est comment on peut faire pour se servir du bleed pour obtenir une autre expérience de jeu, parce que finalement, c'est de ça que tu parlais. Mais moi, j'ai une autre question qui viendrait aussi en corollaire presque, hein, c'est est-ce qu'il est possible, finalement, d'obtenir l'expérience de jeu que l'on recherchait à l'époque ? Parce qu'il y avait bien quelque chose qu'on recherchait à l'époque en disant « on veut bien séparer et on veut pas que, parce que vous sortez ensemble ou parce que vous êtes frère et sœur ou parce que vous avez fait l'école ensemble, bah, y ait un transfert d'informations alors que les persos devraient pas le faire, il y a une connivence entre persos alors que c'est pas logique » ou à l'inverse, que les persos sont censés se détester, mais en fait, il va y avoir plein de coïncidences. Enfin, ce sont des formalisations de jeu qui ne sont pas moins légitimes. Donc, comment gérer aussi le concept de bleed pour faire en sorte que nos grands rêves d'à l'époque se réalisent ? Alors, dans l'idée de la séparation, l'alibi vient justement s'opposer au bleed. Alors, c'est pas quelque chose de garanti, mais dans l'idée, si on veut essayer de limiter le bleed, se forger un alibi extrêmement fort nous permet de dire non, c'est mon personnage qui fait ça, ce n'est pas moi. J'ai choisi de former mon personnage d'une certaine manière, de lui donner des traits qui sont peut-être éloignés des miens. En gros, moi j'envisage un personnage souvent comme un réglage différent de ma propre table de mixage émotionnel, quoi. C'est-à-dire que j'ai mon état basique, et quand je veux jouer le personnage, bah, je vais augmenter sa colère, comme je disais tout à l'heure, changer certains éléments. C'est-à-dire que je pars de ma base et je bouge les curseurs. Voilà. Si je bouge les curseurs très loin de moi, ça va être plus difficile, potentiellement, en dehors d'éléments déclencheurs, etc., d'avoir un bleed fort. Parce que j'ai mis une barrière, parce que je me suis mis un alibi, parce que je me suis dissocié du personnage. Si au contraire, je veux un bleed fort, je vais jouer, comme on dit souvent, close to home, quoi. Je vais abaisser cet alibi, jouer moi-même avec une petite différence, etc. Quand je préparais ce podcast, j'ai échangé un petit peu avec Thomas B, qu'on a déjà reçu à plusieurs reprises dans Ludologie et qui, pour le coup, a une pratique de jeu de rôle grandeur nature assez forte. Puis en plus, un parcours dans les sciences, notamment les sciences cognitives. Je ne vais pas m'avancer trop loin pour ne pas dire de bêtises sur son métier, sinon il va me taper sur les doigts. Il me disait que... C'est un neuroscientifique. Voilà. Et il me disait que selon lui, le bleed, c'est quand même un peu des bêtises, parce que fondamentalement, que ce soit son personnage ou soi, on joue avec la même machine émotionnelle, à savoir notre cerveau, nos réflexes hormonaux, et que du coup, le bleed, il est inéluctable, mais c'est pas vraiment, c'est juste que c'est pas moi, c'est mon personnage, ne fonctionne pas très très bien, que quand on joue une émotion, quelque part, on provoque des choses dans notre corps qui font qu'on la ressent. Ah, je suis absolument d'accord, on avait fait un podcast sur le jeu d'horreur. Et moi, je ne suis vraiment pas fan du jeu d'horreur en général. Et j'ai tendance à penser que pour qu'un jeu d'horreur fonctionne, il faut des joueurs volontaires. Et qu'un moyen de faire advenir cette horreur, c'est de la jouer. Et c'est pareil pour la tristesse, c'est pareil pour se faire sortir des larmes dans une partie, par exemple. Jouer la tristesse provoque de la tristesse. J'ai une expérience de jeu de ce point de vue-là qui est assez exceptionnelle. C'est une expérience de GN qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Donc, je l'ai déjà évoqué dans pas mal de documents, de podcasts, etc. C'est un jeu qui s'appelle Minuit Nulle Part. Alors, j'ai malheureusement plus le nom de l'auteur en tête. On doit le trouver sur les sites de huis clos, etc. Enfin, on retrouvera le lien. C'est un jeu dans lequel on va avoir un jeu très asymétrique entre une personne qui va jouer en gros un employé de nuit dans une espèce de vieille station essence, quoi, ou supérette de nuit, ou ce genre de choses, isolé, au milieu de nulle part. Et les autres participants vont interpréter des visiteurs de cette station-service. Quand j'ai joué, moi, ce personnage-là, on m'a expliqué que le jeu avait une structure qui faisait qu'on allait faire des alternances de scènes avec des visites de clients et de scènes où je serais seul sur une musique triste pour évoluer dans le magasin qu'on imaginait. On m'a dit aussi que le but du jeu, c'était une plongée vers la solitude, une plongée vers la dépression, en gros. Et le fait de le jouer, ça marche à mort. C'est-à-dire que je joue l'employé un peu blasé qui reçoit les gens, qui sont plus ou moins agréables en fonction d'eux. Puis j'ai le moment avec cette musique triste où je suis tout seul, où je range le magasin. Alors je le mime en fait, je le joue vraiment physiquement dans ce cas-là. Et puis on réalterne et petit à petit j'introduis des éléments de plus en plus tragiques. On avait une histoire de tabac plus ou moins de contrebande qui n'était pas censé être vendu à demi-mot, c'était caché dans un endroit et tout. Et puis j'introduis le fait que le personnage se met à fumer, à piller cette réserve illégale, quoi. Je le fais tousser, je fais apparaître une maladie, je vais dans le pathétique, profondément. J'étais pas bien à ce moment-là, clairement. Je suis descendu assez bas. Heureusement, le jeu s'arrête pas là, parce que s'il s'arrêtait là, j'aurais passé une super mauvaise soirée, quoi. Enfin, journée. En fait, le jeu va nous expliquer que les trois dernières scènes sont très importantes. On a une scène de violence. Une explosion, un braquage par exemple. À la fin de cette scène de braquage, j'ai joué mon personnage qui s'effondre, enfin qui, en fait, le personnage en gros tient le coup pendant la scène et puis après il s'effondre, quoi, sous l'effet de l'émotion. Et alors là, l'intensité émotionnelle était extrêmement forte. Je tremblais, vraiment. J'étais complètement dans le truc parce qu'on l'avait construit au fur et à mesure en le jouant. Ça s'arrête là. On rejoue une nouvelle scène, mais alors cette fois, on va complètement à l'inverse. On joue la première journée de ce nouvel employé de cette station. Et donc, de nouveau, je me force à jouer le perso enjoué, qui est content, qui est super motivé, qui parle avec son superviseur, qui signale des éléments qui déconnent un peu, qu'il faudrait corriger, etc. Donc, je me ressors un peu de ça en jouant ça de manière très positive. Enfin, la dernière scène se joue sans moi. Je suis en retrait, j'ai accompli ma part du contrat. Et les autres participants vont... Alors, il y a un participant qui va me remplacer, qui va faire un nouvel employé. Et pendant cette scène, les participants vont évoquer mon personnage. Et une des choses qui m'a vachement marqué, c'est la façon dont on avait meublé l'espace imaginaire. On jouait dans une salle de classe, pas de décor. Et on avait meublé vraiment l'espace imaginaire. Je savais qu'à tel endroit, il y avait le rayon du coca. À tel endroit, il y avait les clopes. À tel endroit, il y avait tel truc et tel truc. Les autres joueurs l'ont intégré. Donc, se sont mis à ranger les choses au bon endroit ou à aller chercher une bouteille de coca dans l'armoire imaginaire. Et dans la scène, juste avant où j'avais joué le personnage qui venait d'arriver, j'avais signalé, suppose que quelque chose qui m'était venu comme ça, un néon qui clignotait. Les autres l'ont réintroduit dans la dernière scène en disant, le nouvel employé avait « Ah tiens, ce néon clignote !» Puis, les autres personnages évoquent le pompiste, enfin l'employé qui a disparu. Et au moment où ils l'évoquent, ils disent « Voilà, non, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. D'ailleurs, il s'était fait une espèce de lieu de couchage dans les toilettes parce qu'en fait, on avait imaginé une espèce de réserve derrière le comptoir et dans laquelle, pendant une scène, j'étais carrément allé vomir, tousser, vider mes poumons, etc. » Enfin bon, le truc dans le pathétique, comme je disais. Et le fait d'avoir cette espèce d'ascenseur où on nous permet d'aller très bas en nous demandant de le jouer comme ça, puis de remonter par un peu auto-persuasion et de valider cette auto-persuasion par le fait que les autres réinvestissent les éléments qu'on a mis, c'est ça qui permet vraiment d'en sortir. Donc oui, en manipulant les émotions, en jouant les émotions, on va les ressentir. Est-ce que c'est du bleed? Est-ce que c'est pas du bleed? Est-ce que le bleed a un sens de ce point de vue-là? Comment dire? Le terme de bleed nous permet de mettre à jour un phénomène sur l'origine d'une émotion qu'on va ressentir, à mon sens. Je ressens la tristesse parce que j'ai joué mon personnage triste. Moi, j'étais pas triste à ce moment-là dans ma vie. Mais je le suis devenu parce que le rôle me l'a proposé et que je me suis auto-conditionné quelque part. Voilà, si je dois décrire le phénomène. Est-ce que tu es en train de nous dire que la façon dont on pourrait voir nos GN d'antan, c'est dans une meilleure réorganisation des scènes et du fait que, notamment, après avoir joué un conflit, joué une trahison, etc., on pourrait peut-être faire un flashback avec une scène d'accomplissement de cette relation qui vient de se détruire ou quelque chose comme ça? On pourrait faire ça, c'est une très bonne idée de construction. Dans les mêmes articles, on présente un exemple où la trahison, enfin c'est même pire que ça, c'était même pas une trahison, c'était une scène de harcèlement. Harcèlement moral, physique, qui mène à la mort d'un personnage. Mais, ça s'est très bien passé pour la joueuse en question. Pourquoi ça s'est très bien passé? Parce que, alors que pendant cette scène en personnage, l'émotion, l'action a été assez violente, juste derrière, l'ensemble des autres participants à la partie viennent s'assurer que la joueuse va bien, viennent la voir, viennent la réconforter, lui dire que la scène était géniale, que c'est super, qu'ils adorent jouer avec elle, qu'il faut vite qu'elle fasse un autre personnage, etc. etc. Donc là, ce n'est pas une structure dans le jeu, c'est une structure hors du jeu, c'est une mécanique en fait, de sécurité émotionnelle, en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire en retrouvant ces GN d'antan? Le problème, c'est qu'on ne prenait pas en compte, enfin, en tout cas dans ce qui me concerne, on ne prenait pas en compte ces émotions, alors que quand je dis qu'on était dans un contexte qui les favorisait, il faut voir qu'on jouait extrêmement fréquemment. On jouait quasiment toutes les semaines. On ne s'arrêtait jamais de jouer, en fait. Et peut-être qu'il y avait une petite hypocrisie supplémentaire que je viens de détecter, qui est le fait que finalement la réussite la sociale du personnage était très corrélée à la réussite sociale de sa joueuse. Alors absolument. Moi j'étais un petit peu, enfin moi c'est pas des choses que j'ai vraiment ressenties parce que moi j'étais vraiment du côté conte, j'étais vraiment du côté orga en fait. Et du coup c'était plus global ce qui allait m'affecter. C'était est-ce que les gens avaient passé une bonne soirée ou pas, est-ce qu'on avait eu des problèmes ou pas. Donc bon, c'est une dynamique un peu différente, mais oui, la réussite des personnages s'accompagnait d'un sentiment d'accomplissement pour les joueuses, qui ensuite pouvaient s'en vanter. Ça jouait énormément, ça. Et si on ne se rend pas compte de cet aspect-là, on a un mélange de réussite et émotions fictionnelles qui viennent, entre guillemets, contaminer la personne. C'est à la fois très positif et à la fois potentiellement très négatif. J'ai envie de prendre un peu de hauteur ludique pour aller regarder comment ça se passe ailleurs. Est-ce que tout ce que tu racontes là, on peut le comparer à... Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est le fait que à l'issue d'une partie de Monopoly, on déteste les membres de sa famille parce qu'ils nous ont fait des sales coups. J'ai une vision pas du tout caricaturale de Monopoly, évidemment. Et donc ça, c'est la première. Et la deuxième... À quel point tout ça résonne avec le discours encore très présent, notamment autour de jeux vidéo, selon l'idée que les jeux vidéo violents rendent violents? Bah écoute, justement, j'avais un exemple de jeu vidéo. Il y a eu toute une période de ma vie où j'ai beaucoup, beaucoup joué au MMO, notamment à World of Warcraft. C'était des périodes de ma vie où, globalement, j'allais pas très bien, où j'avais assez peu de sentiments d'accomplissement dans ma vie. À ce moment-là, WoW ne m'a pas rendu violent ou plus dépressif ou je ne sais quoi. Et il m'a aidé. Il m'a aidé parce que c'est l'époque où je jouais un peu, j'allais dire compétitif, mais je ne jouais pas en PVP. Je participais à des raids, voilà. Donc on jouait en groupe pour essayer d'aller vaincre les défis du jeu. La joie, le sentiment d'accomplissement qu'on a quand on est une vingtaine, ou une, bon, oui, on était à peu près une vingtaine dans ces cas-là, à réussir un défi proposé par le jeu très difficile, cette joie-là, après, elle nous suit, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas comment répondre autrement à ta question, en fait. Et là, tu es en train de nous décrire le simple fait d'être content d'avoir résolu un casse-tête, quelque part. Non, c'est pas seulement ça. C'est quand même du plaisir agonistique. Enfin, c'est vraiment le « j'ai vaincu un défi et j'ai gagné ». Mais pour le coup, c'est pas le sentiment de ton personnage qui... Pas... qui... Ben justement, moi, je jouais... Moi, je joue... Enfin, je peux pas m'empêcher, quel que soit le jeu, de mettre du jeu de rôle à l'intérieur. C'est étonnant. Bah, voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand on joue au Monopoly, je vais faire du roleplay. Voilà, pour être clair. Ou on peut parler de diplomatie aussi, qui est un jeu... On peut parler de diplomatie. Pour moi... Il y a à la fois l'accomplissement d'avoir réussi quelque chose de ce point de vue-là, mais par exemple, cet accomplissement-là, je ne l'ai jamais ressenti en joueur contre joueur. Bon, parce que je n'étais pas très bon, probablement. Hein, mais aussi parce qu'en joueur contre joueur, j'ai la désagréable sensation d'affronter un autre humain et pas d'affronter un défi que mon personnage affronte. Voilà. Donc pour moi, ça fonctionne comme ça. Après, j'ai peut-être un fonctionnement un peu particulier, c'est très possible. Mais en tout cas, chez moi, ça fonctionnait comme ça. Donc... j'ai jamais eu d'envie de violence après avoir joué à un jeu vidéo violent, à ma connaissance, pour autant que j'en ai conscience. Ça fait partie des choses qui portent un discours qui existait sur le jeu de rôle à une époque, avec les conséquences psychologiques du jeu sur les participants. Et le discours de réponse a toujours été, oui, face à des personnes qui sont un peu fragiles, qui sont dans un mal-être, il peut y avoir une incidence assez forte. Quel regard tu portes là-dessus? Je n'ai strictement aucune formation psy. Donc déjà, faut bien le dire. Hein. Donc tout ce que je peux dire, c'est des observations personnelles, des ressentis, des impressions. Et on sait très bien comme notre esprit modifie à la fois notre mémoire des événements et nos impressions. Donc bon, voilà, hein, ce que je dis vaut ce que ça vaut. On avait tendance en Camarilla, en GN Vampire, à considérer que les gens qui ressentaient ces émotions issues du jeu étaient des gens qui étaient fragiles psychologiquement, justement. Alors qu'en fait, non, pas nécessairement du tout. La fragilité éventuelle psychologique, elle se manifestait non pas dans le fait de ressentir l'émotion, mais dans la façon de la gérer. Et donc, effectivement, il nous est arrivé d'avoir des joueurs, des joueuses qui étaient en dépression, avec des problèmes psy éventuels. Nous, on ne se plaçait pas du tout de ce côté-là. On disait juste, oui, alors on va faire attention avec cette personne-là parce qu'il ne faut pas qu'elle nous pète un câble pendant la soirée, quoi. Voilà, vive la charité, vive la bienveillance, etc. On était bien, on était jeunes, on était cons, quoi. Mais on faisait quand même un peu gaffe, quoi. Et on essayait quand même, parce que c'était globalement nos amis qui venaient jouer, de pas déclencher des moments difficiles. Mais peut-être que la pire réaction que j'ai vue face à quelqu'un qui a perdu un personnage et qui ne l'a pas supporté, bah c'est d'arrêter de venir jouer, en fait. Et c'est tout. Mais tu es en train de nous expliquer que pour toi, il peut y avoir du bleed dans la mesure où on peut avoir le sentiment d'accomplissement, on peut avoir la frustration, on peut avoir le sentiment de trahison, on peut avoir l'amour, la haine, toute la palette, etc. Mais par contre, la violence, ça peut pas passer. Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. C'est ressentir une émotion violente ou ressentir une pulsion de violence, mettons. Ça ne veut pas dire que tu vas l'accomplir. De même que ressentir de l'amour face à ta partenaire ou ton partenaire de jeu, ça ne veut pas dire que tu vas quitter ta femme et tes enfants. On n'est pas complètement esclave des émotions qu'on ressent. Et c'est pour ça que, il est là le lien avec l'idée d'avoir des personnages, pas des personnes, pardon, vous voyez, hein. Des personnes qui sont fragiles, qui seraient fragiles psychologiquement, ces personnes-là ne sont pas capables de gérer ces émotions, donc elles vont agir, donc elles vont devenir violentes parce qu'elles ont ressenti une émotion violente. C'est pas parce que je vois quelqu'un dans le métro dont la tête ne me revient pas que je vais aller lui en coller une. C'est pas parce que j'écoute un discours de Brice Hortefeux et que je le croise dans le métro que je vais aller lui en coller une. Je suis éduqué, je sais évoluer à peu près en société. C'est très intéressant, merci beaucoup. Si on t'invite, c'est aussi parce que tu as publié un jeu qui s'appelle De mauvais rêves, qui travaille ces questions d'émotion et de transmission d'émotion. Je vais résumer très rapidement et très brièvement, mais il y a une des phases du jeu en gros où un joueur ou une joueuse en position centrale est amené à exposer son personnage dans une situation de mal-être, et les autres joueuses autour vont être amenées à lui renvoyer des feedbacks, on va dire, des retours, des émotions positives, du soutien, de l'amour, de l'affection, de l'empathie, avec l'idée que du coup les personnages se reconstruisent. Alors ça, c'est dans la fiction, c'est une chose. N'empêche que il me semble qu'à l'usage, on constate que ça a des effets sur la relation qu'entretiennent les personnes autour de la table de jeu. Je ne sais pas à quel point c'était le projet du jeu quand tu l'as conçu, quand tu parlais tout à l'heure de jeu feel good, d'avoir ce truc de je vais mettre les gens en position à travers la fiction, de se dire du bien les uns des autres parce que ça leur fait du bien en tant que personne. Alors, l'objectif du jeu au départ, c'est de créer un jeu dans un concours qui s'appelle le Game Chef pour un autre public. Et le public que j'ai imaginé, c'est ma famille. Comme dans toutes les familles, on a traversé des moments difficiles, on a traversé des tempêtes et on a aussi réussi à réparer beaucoup de choses. Mon idée, c'était d'avoir une adversité relativement faible et sans conséquences au départ. Hein. Ça a un peu changé après. Et avec la possibilité d'aller soutenir les membres de sa famille, comme souvent, pas toujours, mais souvent, on a des moments dans les familles où les gens se rassemblent quand il y a une tuile qui tombe. Voilà. La tuile, c'est « je suis en train de faire des cauchemars ». Ma famille se rassemble autour de moi pour m'aider à sortir de ces cauchemars. Ça, c'est l'idée de base du jeu. J'avais pas en tête, à ce moment-là, que ça pourrait affecter les gens qui joueraient à ça. En revanche, quand j'y ai joué à ce jeu, et j'ai mis un certain temps à pouvoir y jouer vraiment, il a fallu débloquer un certain nombre de choses, quand j'ai réussi à y jouer, c'est ce que j'ai ressenti effectivement. C'est ce côté, je ne peux pas m'en sortir tout seul. En fait, c'est mon personnage ne peut pas s'en sortir tout seul. Hein ? Entendons-nous bien. Mon personnage ne peut pas s'en sortir tout seul. Mais à ce moment-là, puisque je suis investi dans mon personnage, je ne peux pas m'en sortir tout seul. Je vais vous raconter mes pires cauchemars, et si vous ne m'aidez pas, eh ben, le lendemain matin, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je serai fatigué parce que j'aurai mal dormi. Donc c'est pas si grave, mais je vais quand même raconter des trucs horribles sur mon personnage. Et le moment où, d'un côté, les autres me soutiennent, me montrent leur soutien, me racontant des souvenirs heureux, puisque c'est ce qu'on fait dans ce jeu-là, c'est un afflux d'émotions positives. On est en train de prendre soin de moi. Les personnages, les joueurs sont en train de prendre soin de mon personnage. Mais puisqu'il y a un enjeu narratif et un enjeu mécanique, dans le cadre de la partie, les autres joueurs font attention à ce que moi, joueur, je puisse continuer à jouer. Donc, effectivement, ils prennent soin de moi. Et en même temps, quand on est dans l'autre rôle et qu'on est en train de raconter des choses positives, il y a les mêmes frissons qui peuvent réapparaître parce que, ouais, on s'est engueulé dans la phase d'avant. On s'est envoyé des trucs horribles à la gueule. Mais à ce moment-là, on est obligé, puisque la mécanique du jeu le demande, d'aller chercher des moments où nos personnages ont vécu des choses heureuses ensemble et les raconter. Et on crée du bonheur, quoi. Du bonheur passé, nostalgique, etc. Et c'est aussi un grand kiff. J'ai, à l'issue d'un des tests assez importants du jeu, une partie qui m'a mené justement à créer des hacks derrière, parce que ce sont les joueurs et les joueuses qui étaient présentes à ce moment-là qui me l'ont suggéré. Antoine, Audrey, Julien, hein, si vous entendez, merci. Antoine justement m'a dit, c'est une bouffée d'oxygène cette phase. C'est ce qui va nous permettre de continuer à jouer parce que c'était dur ce qu'on avait raconté avant. Si ça vous rappelle Minuit Nulle Part, je crois avoir joué à Minuit Nulle Part après avoir formalisé le jeu. Faudrait que je vérifie les dates. Mais en tout cas, il y a une vraie communauté d'esprit à ce niveau-là. Est-ce que la production, la publication de Mauvais Rêve et ces constats que tu as fait pendant son développement, est-ce que ça a changé des choses en tant que concepteur de jeu ? Dans le regard que tu portes sur les jeux existants et la gestion des émotions dans les jeux existants, et sur ce que tu projettes pour d'éventuelles conceptions futures. C'est compliqué. Je pense que ça a nécessairement changé des choses parce que tu te rends compte que tu as mis en place des outils qui fonctionnent. Donc ça, forcément, quand tu penses que tu as mis en place des outils qui fonctionnent, bah, tu te dis, ah tiens, il y a peut-être un truc à chercher là-dedans. Peut-être qu'il faut que je réfléchisse de la même manière. Voilà. Cela dit, dans les autres jeux sur lesquels je travaille, l'émotion n'est pas nécessairement centrale. Il y a un article que j'ai beaucoup, beaucoup aimé sur un blog qui s'appelle Gnome Stew de Senda, mais alors je ne serais pas capable de prononcer son nom, je ne m'en souviens plus assez bien, qui s'appelle Playing for Feels, je crois, et qu'on a traduit sur PTG-PTB. Donc jouer, c'est sur le jeu émotionnel en fait, c'est sur la façon dont on va pouvoir jouer de manière à provoquer ces émotions. Ouais. Alors PTG-PTB, c'est Place to Go, People to Be, qui est un site notamment francophone, enfin il y a une version francophone avec des articles de théorie, notamment en particulier sur le jeu de rôle, qui sont traduits. Vous pouvez aller, je crois que c'est ptgptb.fr, si je ne dis pas de bêtises, où vous pouvez aller justement consulter les articles en question. Voilà. Si je raisonne dans un cadre de jeu émotionnel, je pense qu'avoir écrit ce jeu, avoir vu ces mécaniques, va me permettre de les prendre en compte et de réfléchir à la façon dont je pourrais mettre en œuvre certaines émotions. Si je suis dans un jeu où le but n'est pas de provoquer des émotions particulières ou de jouer autour des émotions des personnages, mais par exemple d'affronter un certain défi ou d'affronter des problématiques morales qui vont évidemment déclencher des émotions, donc peut-être qu'il y a quand même une réflexion sous-jacente sur le sujet. Dans ces cas-là, je ne vais pas forcément repenser à cette expérience-là, non ? Je ne pense pas. Pour refaire la passerelle avec d'autres médias ludiques, est-ce que tu penses que ces mêmes mécanismes peuvent être exportés, par exemple, aux jeux vidéo ? Parce qu'on a parlé juste de la place de la violence dans le jeu vidéo, mais est-ce qu'on peut avoir des mécanismes de bleed ? Alors là, du coup, j'imagine plus probablement de bleed out par rapport au support jeu vidéo. Et parce que ça paraît improbable, là, comme ça, ça paraît compliqué à... Alors, j'ai du mal à répondre parce que j'ai pas vraiment de base, mais... Et je connais pas assez le jeu vidéo en dehors de mes expériences. Moi, en jeu vidéo, j'ai beaucoup beaucoup joué côté MMO. J'ai pas mal joué sur des trucs très très classiques, quoi. Les jeux principaux, ça va être c'est le MMO, des jeux comme Civilization et quelques autres. Bon, voilà. Maintenant, j'ai déjà joué à des jeux vidéo pour me défouler. C'est-à-dire prendre l'émotion de colère que j'avais pour la canaliser dans le jeu et la manifester avec un personnage qui courait partout, qui tapait partout, n'importe comment, dans des jeux comme Diablo, etc. Dans l'autre sens, je pense que c'est un mécanisme différent. Ce serait je suis touché par ce que je vois arriver dans le jeu. Et c'est plus, je pense que c'est les mêmes mécanismes que tu vas avoir en lisant un roman, en regardant un film. Parce que tu as évoqué autre chose dans ton récit, oui, par rapport à... C'est la musique. Oui. Tu as évoqué cet aspect multimédia déjà. Est-ce que dans le jeu vidéo, finalement, ce serait même pas plus facile d'instiller une émotion et de faire déborder cette émotion vers la joueuse ? C'est possible. Je sais que je suis quelqu'un qui est très très sensible vis-à-vis de la musique. Beaucoup moins sensible vis-à-vis de l'image. Si je suis dans un jeu vidéo où je m'identifie à un personnage et où j'ai des vrais choix à faire vis-à-vis de ce personnage, ou en tout cas un effet d'interaction réel qui apparaît, il est fort possible que je ressente les mêmes choses qu'en jeu de rôle. De ce point de vue-là, ouais, c'est possible. Même s'il n'y a pas d'humain en face. Simplement parce que je me suis conditionné, créé, en quelque sorte, un état émotionnel en jouant. Donc est-ce qu'il est plus facile de... créer ces débordements d'émotions en jeu vidéo, j'en sais rien. Je pense que pour certaines personnes, oui. Pour moi, je ne sais pas. Voilà. Et par rapport à ce que tu disais que parfois, il y avait des émotions négatives qu'on pouvait chercher à obtenir aussi avec les sécurités émotionnelles que tu as citées aussi, notamment de contrepartie positive après. Est-ce que tu penses qu'il y a des émotions considérées généralement comme positives qu'on peut chercher à tout prix à éviter? Alors, est-ce que ça peut dépendre des gens, mais est-ce que ça peut aussi dépendre des designs? Je comprends pas bien ce que tu ce à quoi tu veux revenir là. Des émotions positives, ouais. Considérées comme positives, mais de fort attachement ou d'amour, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on veut éviter de ressentir dans un jeu de rôle? Oui, il y a forcément des choses qu'on veut éviter de ressentir. Je sais pas. Si j'ai pas envie de, j'ai pas forcément envie d'emporter avec moi l'amour que mon personnage a ressenti pour un autre personnage, ouais, par exemple. Oui, puis je pense que je me permets de rajouter un complément d'information. Il existe un certain nombre de jeux, notamment ce qu'on appellera des jeux à message, où la joie n'a pas sa place. Je pensais à un jeu comme Disorder of Mind, par exemple, n'est pas un jeu qui véhicule beaucoup de joie. Et si quelqu'un ressort d'une partie en étant particulièrement joyeux, ce sera quand même un peu bizarre puisqu'on y joue des civils en plein siège militaire et je crois que l'enjeu du message dans ce cas précis c'est de faire sentir la détresse des civils de la même manière en termes mon amour de Pixel Hunt qui permet de retracer le parcours d'une réfugiée syrienne et un peu sur la même logique on ressent plein d'émotions, dans ce jeu-là en plus on ressent beaucoup d'émotions mais la joie et l'exultation enfin c'est pas un jeu où on va avoir de l'excitation comme dans un jeu d'arcade et c'est structurellement pas conçu pour ressentir ces boosts d'adrénaline qu'on a dans des jeux d'arcade par exemple. Ouais, je dirais juste que quand tu le présentes comme ça, je l'envisage comme un objectif de design de créer des émotions plutôt négatives et je ne l'envisageais pas avant que vous en parliez comme un design pour éviter l'apparition de certaines émotions. Voilà, c'est pas mon approche, je l'avais pas envisagé comme ça. Pourtant, dans la continuité de ce que tu nous as dit, il me semblerait qu'il y a un enjeu de design à éviter le sentiment d'accomplissement, de la résolution de casse-tête notamment, du fait que j'ai réussi à passer telle épreuve, mais il va y avoir peut-être des garde-fous pour éviter que ce soit la béatitude devant le. Oui, bien sûr, je suis absolument d'accord et. Je suis à peu près persuadé que c'est des choses que j'ai cherché à faire en partie aussi, mais j'ai pas conscience de le faire comme ça, en fait. Mais quand tu le dis, imaginons qu'on est dans un jeu où on va raconter, effectivement, on veut mettre en... j'ai un exemple. J'ai un jeu Game Chef sur lequel j'avais travaillé aussi, dans lequel on va jouer des flics, en pattes, donc qui manipulent les émotions, qui ressentent les émotions, qui sont chargés de gérer des foules en colère ou des manifestations, etc. D'accord ? J'ai pas du tout designé ce jeu dans cette direction-là, hein, mais ça me donne un exemple concret. Ce que je ne voudrais pas dans ce jeu, par exemple, si je veux y incorporer un message, c'est que mes joueurs réprimant une manifestation, ils prennent du plaisir du fait d'avoir... réussi l'action du jeu. Voilà. Ça, c'est un truc que je trouverais peut-être dérangeant, quelque part. Du coup, là, ça prend du sens d'essayer de voir comment je peux faire pour éviter ça. Puisque en jeu de rôle, un des trucs qui peut apporter un peu de jubilation, c'est gagner des XP, je sais pas, tu vois, hein, pour gagner des points d'expérience, quoi, pour pouvoir voir évoluer son personnage, avoir une petite récompense du système. Dans ce cas-là, déjà, la base, c'est que je mettrai pas de récompense à accomplir ça. Sauf que j'en mettrai peut-être quand même, parce que ce qui va m'intéresser, c'est peut-être justement de voir, de faire ressortir cette espèce de plaisir pervers qu'on peut avoir à se soumettre à une autorité, et donc accomplir sa mission, alors qu'on sait que ce qu'on fait va poser d'autres problèmes. Parce que dans le cas de ce jeu-là, clairement, la manif, c'est plutôt le bon côté. Le flic qu'on joue, c'est pas forcément le bon côté. Voilà. Bon, c'est plus complexe que ça. Hein, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de vocabulaire, du coup, aussi le fait de ne pas appeler ça de l'expérience, mais des séquelles, par exemple? Bien sûr, absolument. Gagner des séquelles, mais peut-être. Je vais rebondir sur les enjeux de vocabulaire. J'ai un côté un peu tauboniste, moi, et bleed, je trouve ça intéressant comme terme, mais je me dis qu'il doit y avoir des termes français utilisables à la place. J'ai vu qu'on utilisait régulièrement porosité. J'ai quelques questions là-dessus, parce que la porosité, pour moi, implique un acte volontaire. J'ai l'impression que capillarité a plus de sens, cette histoire du liquide qui remonte dans le sucre ouais. comment tu vois les choses? Capillarité, c'est pas mal. Y a la notion de pervasivité aussi qui revient assez souvent, qui est mais qui est plus générale, quoi, qui n'est pas seulement sur l'émotion. Je l'ai vu utiliser. J'avoue que je n'ai pas vraiment réfléchi à franciser le terme. Mais la capillarité, ça me plaît bien parce que on va l'observer sur un sucre, mais on va aussi l'observer sur une page. Et l'encre qui se répand à l'intérieur des fibres du papier, donc pour sortir de son cadre original, c'est effectivement de la capillarité. Et là, c'est mon côté scientifique qui remonte aussi, quoi. Il me semble qu'en revanche, d'un point de vue de traduction, c'est pas extraordinaire dans le sens où Bleed est extrêmement clair et extrêmement imagé. Alors que je pense qu'avec pervasivité ou capillarité, on perd un peu en matériaux directement palpables, si je peux me permettre. Je me méfie beaucoup de ces impressions-là parce que au fur et à mesure que j'ai appris l'anglais, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Au fur et à mesure que j'ai appris l'anglais, je me suis rendu compte que j'avais tendance à charger d'un sens plus fort certains mots parce qu'ils étaient exprimés en anglais, alors qu'en fait, les locuteurs natifs ne les chargeaient pas nécessairement du même sens. Donc je sais pas, peut-être, ouais. J'ai envie de rentrer dans une partie un peu conseil pratique. Alors tu donneras ce que tu peux donner avec ton expérience, hein. Je sais bien que tu n'es pas nécessairement non plus un psychologue, tu le disais toi-même, mais de par ton expérience notamment d'organisation de GN, est-ce qu'il y a des trucs à savoir, à penser, une fois qu'on a admis que le bleed pouvait exister en partie, est-ce qu'il y a des choses, on a beaucoup parlé de sécurité émotionnelle, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, sachant qu'il existe, pour ne pas ignorer ce fait et pouvoir quand même éviter que des gens se retrouvent en souffrance à cause de ces phénomènes? Alors, moi, j'apprécie d'utiliser toute une gamme d'outils de sécurité émotionnelle justement pour pouvoir s'autoriser à ressentir des émotions, qu'elles soient en bleed ou pas en bleed. Hein. Vraiment, à la limite, ça, on peut le mettre un petit peu de côté. C'est comment on va, dans un jeu émotionnel, gérer ces émotions, ou aider à gérer ces émotions, peut-être atténuer la façon dont on les ressent ou en tout cas gérer leurs conséquences. Par exemple, quand je suis autour d'une table de jeu de rôle en convention, je vais utiliser trois outils principaux qui vont me permettre de gérer un peu tout ça. Le premier outil principal, c'est la fameuse carte X qui nous autorise à interrompre le moment où on va évoquer un sujet qui nous pose problème. Cette carte X, bon, y a beaucoup de débats autour, moi je l'utilise parce qu'elle m'a été utile. Elle m'a été utile pour interrompre des narrations dans une direction où je sentais que là, j'étais plus capable de gérer et j'allais commencer à ressentir des émotions beaucoup trop négatives par rapport à la partie dans laquelle j'étais. Okay. Deuxième outil, est-ce que je rappelle, ça suffit comme description de la carte X, je pense? Oui, au pire, les gens pourront chercher sur Internet, voilà. Je pense. Deuxième outil que j'aime beaucoup utiliser, c'est les lignes et les voiles justement d'Emily Kerbos, qui est à la base de la partie de dire ces éléments-là, je ne veux pas du tout en parler, ces éléments-là, on peut en parler, mais on va les évoquer par le bord, par la bande, on ne va pas s'apesantir dessus. Ça, c'est quelque chose que je demande systématiquement lorsqu'on commence une partie en convention notamment, et que dès que je sais que je vais travailler, enfin je dis travailler, mais parce qu'il y a un travail émotionnel derrière, mais que je vais jouer avec, même avec des gens que je connais bien, mais qu'on va aborder des sujets sensibles, j'ai tendance à le faire, parce que j'ai eu aussi des mauvaises surprises où on m'a renvoyé des situations dans la gueule que je ne voulais pas jouer. Peut-être que je suis particulièrement sensible, etc., peu importe, ça a créé un malaise, heureusement on était avec des amis donc on a pu le régler, et après on a dit bon voilà, ça on sait qu'on jouera pas avec, voilà. Pour info, le viol par exemple, c'est un truc que je gère pas en partie, quoi. Peut-être que je peux le gérer si on est dans une partie qui est vraiment cadrée autour de quelque chose comme ça, qu'on veut explorer le sujet et tout, mais moi je peux pas, quoi. Voilà. Troisième outil que je mets en place, qui est beaucoup plus simple que tout ça, j'ai pris l'habitude de pratiquer la politique de la porte ouverte, c'est-à-dire que quand on joue en jeu de rôle avec moi dans ces parties-là, j'ai souvent, je le dis, c'est si vous voulez partir à un moment, même si c'est juste vous lever de table, faire un tour, faites-le. Et on ne vous en voudra pas, on verra si on continue à jouer sans vous ou pas, peu importe, vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Et quand je suis en convention, j'ajoute même, avec un ton un peu humoristique mais très sincère, si vous vous emmerdez à ma partie, bah partez. Il n'y a pas de problème. Levez-vous, dites-nous salut, au revoir, soyez polis quand même, je veux dire. Mais partez, ça ne pose pas de problème. Je ne suis pas là pour vous imposer un moment d'ennui profond. Voilà. Donc ça, tu vois, c'est les éléments que j'essaie de mettre en place. Il y en a d'autres. Et je me rends compte aussi que plus j'avance, plus j'ai tendance à panacher ces éléments, à en utiliser plus ou moins. Voilà, donc ça, c'est le côté sécurité. Après, faut pas oublier... Ah oui, mais j'ajoute aussi, enfin, en phrase de conclusion, toujours la même chose. Les gens avec qui on joue sont plus importants que la partie. Il existe des parties où on peut se dire non, ce qui est important c'est la partie parce qu'on veut aller dans l'extrême, on veut aller dans le dur, on veut voilà, bon, ok, peut-être on peut jouer comme ça, il n'y a pas de souci, si tout le monde est consentant, ça va. Mais j'essaye de dire ça aussi, on va s'intéresser plutôt à ce que les gens autour de la partie aillent bien plutôt que la partie réussisse, quoi. C'est un choix. Et ce choix implique de faire attention à l'impact de ce qu'on raconte vis-à-vis des autres. Et c'est ce pourquoi aussi j'adore jouer avec des jeux sans meneur de jeu, parce qu'au lieu de polariser cette responsabilité sur le dos d'une seule personne, on se la répartit à la table. Voilà, c'est... Et il ne s'agit pas de se surveiller en se disant « il va péter un câble, c'est pas bon, etc. » Non, non, juste faire attention avec les gens avec qui on joue, quoi. Merci beaucoup, je vais passer le micro à Célène, j'allais dire pour le mot de la fin, c'est pas exactement le mot de la fin, mais pour aller poser notre question piège de fin de podcast. Question piège, pas tant que ça, et en plus il me semble qu'elle a un lien direct et évident avec la question qu'on a explorée aujourd'hui. L'aire du cerveau gérant les émotions étant la même que celle qui gère la mémoire, on est sur une question nostalgie. Quel est ton premier souvenir de jeu, Julien? Alors ça va pas nous rajeunir. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un souvenir et un non-souvenir. Ça se passe dans les années 80, fin des années 80 tout de même, peut-être 84, 85, quelque chose comme ça. Eh ouais, la vache. Hein. J'étais pas né. Et j'avais 7, 8 ans, quelque chose comme ça. C'est l'été, je suis au centre de loisirs de mon école primaire. Et ce dont je me souviens, c'est la disposition vague d'une pièce et d'avoir participé à une partie d'un jeu qui s'appelle L'œil noir, avec l'animateur du centre de loisirs, une bande de gamins, et je ne me souviens absolument pas de la partie. Mais vraiment rien, pas de détails. Par contre, ce dont je me souviens, c'est d'avoir adoré ça et d'avoir rien compris. Et c'est quelque chose que j'ai recherché ensuite, à travers les livres dont vous êtes le héros d'abord, puis... des achats de jeux de rôle, puisqu'on pouvait acheter notamment Pendragon à la Fnac à cette époque-là. Voilà, bon, bref, on vérifiera les dates. Et avant même de commencer vraiment à faire du jeu de rôle, il y avait cette première partie, cette première expérience. Et voilà, c'est ça dont je me souviens. Cette espèce de moment hors du temps, une image, pas très détaillée, un sentiment et une espèce d'excitation profonde, quoi. Eh bien, merci. En plus d'un podcast sur le Bleed, nous aurons eu en plus Julien Poire Origins, donc ça valait vraiment le coup. Nous allons nous quitter, malheureusement. Eh bien, toutes les bonnes choses ont une fin. En attendant de nous retrouver dans le prochain épisode, surtout, n'oubliez pas de jouer avec vos émotions ou sans, et surtout, prenez soin de vous.